parole en Église afin d'être réalisé à quel point tu es grand et à quel point tu as préparé des choses longtemps d'avance pour que nous puissions en bénéficier aujourd'hui. Comme il est dit dans Pierre, les prophètes qui ont prophétisé en ce qui nous concernait savaient que ce n'était pas pour eux, que c'était pour nous qu'elle suive. Et Seigneur, on ne doit qu'admirer ton œuvre à travers les écrits, et particulièrement celle de ta parole et du livre des Nombres qu'on étudie ensemble en Église. Sers-toi de ma faiblesse, sers-toi de mon incompétence humaine pour te glorifier au travers, par Jésus-Christ, au travers chacun de tes enfants et de tous ceux qui sont présents ici. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, à travers ce qu'on fait. Il y a juste toi qui peux rendre ça vivant pour tout le monde. Amen. C'était affiché, parfait. Marche-tu ça? Oui. J'ai perdu. Voilà. Je devrais la grossir, la souris, qu'elle soit grosse de même, je ne la manquerai pas. On est dans le livre des Nombres ce matin, chapitre 8, versets 5 à 26. Moi, je vous le dis encore, le livre des Nombres, ce n'est pas mon préféré. En fait, et, le livre du Lévitique non plus. Quand j'embarque dans ces livres-là, je me bats continuellement avec mon intelligence fermée pour essayer de découvrir les merveilles de Dieu. Et c'était le cas dans la prédication. J'ai l'issue à la dernière minute que j'allais remplacer Jean-Claude. J'aurais pu le prévoir, mais c'est moi qui fais le calendrier, mais je ne l'ai pas fait. Ça fait que je l'oublie. Ça fait qu'on est dans le livre des Nombres, on est rendu au chapitre 8, on avait fait avec Landry. Ils sont passés, hein, Landry? Oui. Il se repose aujourd'hui. Hein? C'est vrai qu'on avait travaillé beaucoup avec quatre versets. Hein? Le chat a une bonne job la semaine passée, vous remarquez? Il s'améliore. Il prend de l'assurance, c'est correct. Et c'est le but. Qu'un jour, tu prennes ma place, comme il faut, et Michel, et tous ceux qui travaillent. Et là, évidemment, je suis sur ils vont m'examiner, voir si je ne fais pas des erreurs de prédication. Ça fait qu'ils vont venir me voir après pour me taper dessus. On s'amuse beaucoup ensemble, c'est ça qui est correct. Ça fait qu'on est rendu au chapitre 8, versets 5 à 26. Je vais commencer par le lire, puis après ça... Je vais vous expliquer ce que Dieu a mis sur mon cœur par rapport à ce chapitre-là. Fait que, on commence au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps et qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, on sait que c'est le tabernacle, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. » Ça fait du monde. « Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. » Essayez d'imaginer 600 000 personnes, 600 000 hommes environ, là, qui vont mettre leurs mains sur les Lévites. On pense que c'est surtout les chefs qui ont dû poser leurs mains, mais en représentant le peuple devant tout le peuple. C'est quand même beaucoup de monde. Hein? Aaron fera tourner d'un côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel. C'est une offrande par élévation. Comme une offrande de la part des enfants d'Israël, ils seront consacrés au service de l'Éternel. Rappelez-vous, les Lévites, ce n'est pas les sacrificateurs. Ils font partie de la même tribu, mais les sacrificateurs, c'est la descendance d'Aaron. Les Lévites sont divisés en clans et ils ont des tâches, on l'a vu précédemment, à accomplir. Verset 13. « Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner d'un côté et d'autre, comme une offrande à l'Éternel. » J'imagine que ça doit être comme ça, et... comme ça, sans tomber, évidemment, pour un petit peu représenter l'offrande par élévation. Là. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Retenez ce mot-là. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Il y en avait combien? Ceux qui se souviennent du chiffre? On a vu ça précédemment, on devrait retenir ça, voyons, c'est facile. Même moi, je ne l'avais pas retenu. 22 273 premiers-nés qui ont échappé aux destructeurs en Égypte. Car tous les premiers-nés, verset 17, les premiers-nés des enfants d'Israël m'appartiennent, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc, les Lévites, c'est un remplacement des premiers-nés des enfants d'Israël. C'est parce qu'ils sont un substitut. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation. Je vais voir tout à l'heure un petit peu où ça se situe. Pour qu'ils fassent expiation et pour que les enfants d'Israël et pour que les... qu'ils fassent expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. On ne faisait pas n'importe quoi autour du sanctuaire. Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner d'un côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel. Il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon que l'Éternel avait ordonné à Moïse, touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite rentrera dans le service de tente d'assignation pour exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira des fonctions et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus le service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. » C'est le texte qu'on va regarder ce matin. Évidemment, on ne regardera pas tout ce qui est dans le texte. Le Seigneur a mis à cœur une particularité que je n'avais jamais vraiment observée. Exode Lévitique. Le sacerdoce d'Aaron a été établi, vous rappelez. Établi autour du tabernacle, vous en rappelez, vous allez voir une image qui le rappelle. Dans le chapitre 5, Dieu a établi l'ordonnance faite au souverain sacrificateur de bénir le peuple. Vous en rappelez de ça? Vous en rappelez? Il n'aurait pas fait comme Dieu l'a répété systématiquement. hein, à l'image de l'Église dont la lumière est lui pour Dieu. Je passe rapidement. Le service du tabernacle. Évidemment, ils ne font pas les mêmes choses, mais ils les aident particulièrement. La colère de Dieu par rapport à ça. Les Lévites servent à ça particulièrement, chacun dans leur fonction. Évidemment, ils servent au transport des objets du tabernacle et ils aident les sacrificateurs dans de la Pâque. Et on pensait que ça avait été oublié, perdu. En fait, ça s'est produit lors de la 10e plaie d'Égypte, vous vous rappelez, juste avant de partir d'Égypte. Tous les premiers-nés des Égyptiens, les premiers-nés du bétail, tout ça, c'est mort, sauf les premiers-nés d'Israël. On sait par le comptage qu'il y a eu ultérieurement dans le livre des Nombres, qu'il y avait 22 273 premiers-nés qui ont été épargnés en Israël. Et ils ont été épargnés suite aux 22 273 agneaux offerts dans chacune des chaumières où il y avait un premier-né. Ils pouvaient se mettre deux. Peut-être que le nombre d'agneaux était peut-être un petit peu moindre. Ils pouvaient se mettre deux familles ensemble au besoin. Et Dieu dit, à partir de ce moment-là, les premiers-nés m'appartiennent. Le droit de propriété est un droit réel qui confère à son titulaire des pouvoirs sur son bien. Ici, c'est des âmes, c'est des hommes, c'est des personnes. Notamment l'usus, droit d'usage, le fructus, hein, les avocats ils aiment ça parler avec le latin, droit de percevoir des revenus, et l'abusus, le droit de disposer du bien comme il veut. Quand tu es propriétaire de quelque chose, tu as ces droits-là. Il est absolu, exclusif et perpétuel. Ça, je vous dis, j'ai trouvé ça en dehors des Écritures. Ce n'est pas dans les Écritures que j'ai trouvé ça. Absolu, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, tant que son usage n'est pas prohibé par la loi. Exclusif, le propriétaire a le droit d'exclure les autres de son bien et de l'utiliser seul. Dieu peut faire ce qu'il veut. C'est les hommes qui disent ça à propos des lois humaines. Mais Dieu encore plus. Hein? Perpétuel, alors ça c'est intéressant. Le rachat des personnes pour Dieu est perpétuel. Il s'est passé quelque chose avec Israël depuis le départ de l'Égypte. Et on voit dans le chapitre 8 ici qu'il y a un transfert vers les Lévites du fait que Dieu s'était acquis des personnes lors de la première Pâque, là, quand ils ont quitté. Intéressant. À la manière des Lévites, Dieu démontre à tous les croyants de la Nouvelle Alliance, et nous autres, ça, qu'il a racheté définitivement par l'offrande du corps de Jésus-Christ pour se faire un peuple qui lui appartienne. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui font référence à ça. On ne réfléchit pas toujours au fait qu'on est la propriété de Dieu. Et c'est en lisant ce texte-là que, évidemment, comme je vous dis, moi, non, ça ne me disait pas grand-chose, je priais Dieu, je dis, qu'est-ce que je vais dire demain? Là? Je peux bien répéter tout ce qui est écrit dans le verset, mais dans le chapitre. Et ça m'est apparu, ça m'a sauté aux yeux à quel point on est la propriété de Dieu. Pour une cérémonie, c'est à peu près similaire à ce qui s'est passé en Égypte. Différente, mais similaire. Si on lit en... Rapidement, ben on va sauter cette section-là rapidement, c'est l'aspect des Lévites, à quoi ils servent. Le premier rôle des Lévites a été de prendre la place de tous les 22 273. Dieu le dit dès le départ, les Lévites vont m'appartenir parce qu'ils vont prendre la place des premiers-nés que j'ai sauvés en Égypte. Autrement dit, c'est un transfert de personnes, de propriétés sur les personnes. Vous vous rappelez, les Lévites n'étaient même pas assez nombreux pour sauver tous les premiers-nés, pour prendre la place de tous les premiers-nés. Ils étaient 22 000. Les 273 de différence ont été complétés par un achat de 5 sicles par personne. Sicles étant le shekel que les Juifs. Fait que le premier rôle des Lévites, ça a été ça, avant même d'exercer un service. Pour Nombre 3, 39 à 51, on va le lire. C'est des choses qu'on a déjà vues, puis on va passer rapidement. Je n'expliquerai pas encore une fois tout ce que le verset dit, mais c'est juste pour se rappeler. Toi, 39 à 51. OK. Tous les Lévites, dont Moïse et Aaron, firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse, « Fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après les noms, leurs noms. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. » Les Lévites ont contribué avec leur bétail aussi. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel avait donné, et tous les premiers-nés mâles, dont on fit le dénombrement en l'âge d'un mois, et au-dessus furent de 22 273. Ça, c'est les premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, parla à Moïse, et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. » Voyez-vous la substitution aussi, non? Et le bétail, les Lévites à la place de leur bétail. « Et les Lévites m'appartiendront. » Je suis l'Éternel, pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 sicles par tête, et tu les prendras selon le sicle du sanctuaire qui est de 20 guérotes. On a dit qu'on arrêtait à 51. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient et le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés, les enfants d'Israël, 1366, selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, selon l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. En 8-17, dans notre passage, je vous fais juste revenir sur le texte qu'on vient de lire, sur ces deux versets-là. Il dit... Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et j'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient pas frappés d'aucune plaie. Donc, Dieu se prend à travers le fait qu'il avait sauvé les premiers-nés d'Israël lors de la fuite de l'Égypte. Il prend à la place les Lévites qui lui appartiennent désormais qui lui appartiennent et qui sont donnés à Aaron pour le service. Ça, c'est une image de ce que Dieu a fait dans le Nouveau Testament pour nous. Et on va le voir à travers les versets que je vous ai montrés plus tard. Le deuxième rôle des Lévites, et on l'a vu dans le texte, et je ne m'attarderai pas là-dessus, c'est pour faire l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc, à travers tous les sacrifices que les enfants d'Israël vont présenter, ils vont servir à ça. Et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés. Donc, ils ont un rôle protecteur pour les enfants d'Israël. Ça, c'est notre texte qui dit ça, et comme je vous dis, je ne m'attarde pas là-dessus. Vous pouvez le lire autant que moi, vous pouvez réfléchir dessus. On va s'attarder plus au fait que il y a eu un rachat de personnes et que le rachat selon Dieu, c'est quelque chose de très important. Ça, je vous l'ai déjà dit. Il y a eu 22 273 agneaux, peut-être moins, ça dépend comment les familles se sont regroupées lors de la première Pâque. Mais on a versé le sang des agneaux, sans défaut, sans tache. C'est ce sang-là qu'on a mis sur les linteaux qui empêchait le destructeur d'aller tuer les premiers-nés des enfants d'Israël. Très belle image de du sang de Christ, qu'est-ce qu'il fait pour nous. Mais si le sang de Christ fait ça pour nous, imaginez-vous que Dieu nous rachète. Les mots « rédemption », ça veut dire « rachat » souvent, qu'on voit dans les écrits du Nouveau Testament. Dieu nous a achetés de la même manière qu'il a fait avec les premiers-nés. À partir d'un sang versé, évidemment, d'un agneau parfait, sans défaut, sans tache. Intéressant, hein? Donc, Dieu est devenu le propriétaire exclusif de tous les premiers-nés. Évidemment, il a fait une substitution avec les Lévites. Ça, c'est son droit. Propriétaire, il fait ce qu'il veut. Que puis-je demander à Dieu? Tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû prendre, je ne sais pas, moi, un reste de la tribu de Juda, ils sont plus nombreux, talala. Non, aucun. On ne pouvait pas discuter avec Dieu là-dessus, c'est lui qui le fait. On va regarder les mots dans le Nouveau Testament, et c'est extrêmement important pour nous. Le rachat selon Dieu, il y a plusieurs mots qui découlent tous du mot lutro, là, qui est le verbe, qui est, on va voir un peu plus loin, apolutrosis. Je vous fais grâce de lire le grec, là, je vais vous le dire pour vous. Apolutrosis, c'est la rédemption, le rachat. C'est le mot 629 dans les Strong. Éphésiens 1, 13 et 14. En lui, le lui, c'est Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, toujours Jésus-Christ, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, il est moins important, pour la rédemption, le rachat de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de son gloire. Aucun d'entre nous ici peut dire, c'est parce que j'ai bien fait, que Dieu m'a racheté, moi, je fais partie du... Non, c'est Dieu qui décide de nous racheter. Et de quelle manière? Par le sang d'un agneau parfait, sans tache, pour lequel, évidemment, il est accessible par la foi. Ce n'est pas tout le monde qui sont rachetés, c'est juste ceux qui s'attardent à saisir par la foi le sang qui a été versé par Jésus-Christ. Hein? Pour la rédemption, vous pouvez mettre le mot « rachat » de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On va en voir un autre. Ça, c'est lutron. Vous voyez, apo, là, c'est une préposition en grec qui renforce le sens du mot rachat. Et le mot lutron, qui veut dire aussi rachat. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon. Donc, le paiement. Le sens du mot lutron ici, c'est rançon, paiement. Encore là, c'est Dieu qui achète de la manière qu'il veut. Tu vois, je ne vais pas trop vite. Je vais vous faire répéter les mots en grec après. Le matin, on a bien commencé, on a fait bien des affaires. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon. On oublie souvent à quel point c'est l'œuvre de Dieu dans tout ça. Qu'on n'a pas grand-chose à faire autre que de bénéficier du sang qui a été versé par Jésus. Lutrosis, vous avez vu tout à l'heure le mot apolutrosis, mais lutrosis, c'est la partie du nom. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui l'a visité et racheté son peuple. Ça, c'est dans Luc qu'on trouve ça, quand je pense que c'est Zacharie qui dit ça dans son témoignage, après avoir été fait. Quand il a perdu sa. Il a cessé d'être muet, de ce qu'il a visité et racheté, donc payé le prix pour son peuple. Luc 2, 38. Étant survenu, à cette même heure, elle louait Dieu, c'est la prophétesse, là. Comment elle s'appelle? Anne. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance, le rachat de Jérusalem, ici. Encore là, c'est Dieu qui fait la démarche de payer le prix. On va voir tout à l'heure que ça va plus loin que ça. De quel prix il paye? À qui il paye le prix? Il nous rachète de qui? En Égypte, il a racheté les premiers-nés du destructeur. C'est une image très forte de l'ange démoniaque à laquelle on appartenait. C'est une image. Je ne dis pas que c'était Satan qui était le destructeur, l'ange destructeur en Égypte. Mais c'est une image d'un type de Satan et du diable. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rachat, une rédemption éternelle. Donc, le rachat effectué par Jésus-Christ, par son sacrifice, a une portée éternelle. C'est pas, ça marche juste une année, puis après ça, c'est fini. Dieu oublie ça, puis passe à autre chose. Il est propriétaire de tous ceux qui sont rachetés depuis le sacrifice de Jésus. Lutrosis. Il y a un autre mot, lutro, qui est le verbe en grec. Tite, qui s'est donné lui-même pour nous, nous étant les enfants de Dieu, les croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, afin de nous racheter. Vous voyez le mot aussi, là, j'ai même pas trafiqué c'est vraiment écrit comme ça dans nos Bibles secondes. De toute iniquité, donc les iniquités qu'on a faites qui nous séparaient de Dieu, on était rachetés de ça, et de se faire un peuple qui lui appartienne. Qu'est-ce que Dieu a fait avec les premiers-nés? Ils m'appartiennent. J'ai le droit de propriété. On ne réfléchit pas à ce bénéfice-là qu'on a comme croyant, d'appartenir à un propriétaire qui a les moyens de nous garder. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, afin de nous racheter de toute iniquité. Toutes nos iniquités là, qui faisaient en sorte qu'on n'était pas capable de s'approcher de Dieu, il a payé le prix. Bang! Moi, je veux Jacques dans mon peuple. Bon, il va emmener sa femme aussi, là, mais... Je te taquine. Comprenez-vous? Il a payé un prix pour qu'on soit pour être notre pour que nous autres, on appartenions à Dieu. Non, j'ai perdu ma souris encore. Bon. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été, encore là, lutro, vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Voyez-vous le sang de l'agneau versé, le sang qui a été versé lors de la première Pâque? Comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, vous étant nous les croyants aujourd'hui, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ce n'est pas par de l'argent et de l'or, Dieu ne nous a pas acheté comme ça, il nous a payé par un prix encore beaucoup plus précieux, le sacrifice de Jésus. Et dans quel but? Dieu se fait un peuple qui lui appartient. Aucun d'entre nous peut dire « j'ai le mérite d'appartenir à... » Non. C'est vraiment l'œuvre de Dieu du début à la fin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de saisir par la foi que ce sang-là a été versé pour nous. Enfin, résumé, Romains 8, 31-34, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, comment est-il pour nous? Il a racheté mon âme. Mon âme appartenait au diable avant. J'avais pour père le diable, jusqu'à temps qu'il me sorte de ses griffes, qu'il me paye le prix pour moi. Demain, pas juste pour moi, pour l'ensemble de tous ceux qui mettent leur foi en Christ. Je ne le mérite pas. J'étais indigne de ça. Ma femme disait, elle pourrait conclure là-dessus facilement. Il faut bien que je l'implique. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas ainsi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou nos petites épreuves de tous les jours, ou ça va mal dans ma vie, j'ai perdu mon emploi, j'ai pas de joie dans ma vie, je sais pas ce que je fais dans le corps de Christ. Vous en connaissez, d'autres que les miennes. Là. Pourquoi c'est moi qui enseigne encore au matin, là? C'est une épreuve, hein, Jacques? C'est une épreuve à chaque fois, je te le dis. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on pourrait dire, ne pourra nous séparer de la propriété que Dieu a sur nous. Ça résume bien la propriété que Dieu a sur chacun de nous, sur nos anges. À l'instar des premiers-nés et plus tard des Lévites, le rachat des hommes à la suite du sang versé des 2260, j'ai mis toujours le même chiffre, là, des agneaux pascals, est une doctrine fondamentale qui annonçait, qui préfigurait le grand rachat de tous les hommes, qui prendrait appui sur le sang de Jésus-Christ sur la croix. Il y a une condition pour que Dieu nous rachète. Tu dois t'appuyer sur le sacrifice de la croix. Si on vous a prêché un autre évangile que ça, pour être sauvé, revenez à la vérité. C'est le sang versé par cet agneau parfait. C'est la condition unique pour que Dieu achète ton âme et le retire de l'adversaire. Y a-t-il quelqu'un qui est contre ça, cette doctrine-là? Landry, allez, allez. Fais un homme de toi. Par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, Dieu paie à l'adversaire, c'est au diable, le prix de toutes les âmes sur lesquelles l'aspersion de ce sang a été faite. Le diable n'est pas capable de contredire ça. Ah, il aime bien perturber l'œuvre de Dieu, mais il n'est pas capable de racheter nos âmes qui ont été rachetées par le sang de Christ. Comme les Israélites ne pouvaient pas dire à Dieu, « Non, tu ne prends pas les Lévites, tu vas prendre le reste de la tribu de Juda ou de telle tribu, tu vas faire ça comme ça. » Non. Quand Dieu déclare quelque chose, il va jusqu'au bout. Et ce qui a été fait dans le désert autour du Sinaï avec les Lévites, c'est une image qui nous montre, les Lévites, et je parle des premiers-nés surtout, qui nous montre que Dieu paye le prix lui-même parce que ça coûte de racheter les âmes. Et il y a une guerre au ciel entre Dieu et Satan, et la guerre est déjà gagnée. Satan est perdu, il est condamné à l'éternité et en enfer, mais en attendant, Dieu il laisse encore le temps d'agir. Mais nous autres, il a payé le prix, il nous a racheté des griffes. Je ne pense pas que le diable a des griffes, littéralement. C'est une manière de parler en français, là. Il nous a racheté du piège dans lequel, mortel dans lequel on était. La question que chacun doit se poser ce matin, je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà répondu, mais je ne connais pas tout ce que Dieu fait dans le cœur de chaque personne. La question que chacun doit se poser ce matin, qui est le véritable propriétaire de ton âme? Est-ce le diable qui l'a usurpé depuis la chute en Éden? Vous savez, quand il a fait tomber l'homme en Éden, il avait déjà usurpé ton âme avant que tu viennes au monde. Et pendant toute ta jeunesse, jusqu'à ce que tu donnes ta vie à Christ, ton âme appartenait à l'adversaire. Et si tu étais mort dans cet état-là, on ne passera pas l'éternité ensemble. Fait, qui est le propriétaire? Qui est le véritable propriétaire de mon âme? Est-ce le diable ou est-ce Dieu qui l'a racheté par l'aspersion du sang de Jésus-Christ? Et voyez-vous, là, Dieu l'a racheté comment? Par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est ce sang-là auquel j'adhère par la foi qui me permet de dire « Dieu maintenant est mon propriétaire. » Je lui appartiens à cause de par Christ, évidemment, c'est sûr. Donc, la question, à qui appartiens-tu? Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Je suis chanceux, ça n'a pas duré longtemps maintenant. Si Satan, le diable, est ton propriétaire, ta destinée est une éternité de souffrance. Parce que lui, ça, c'est déjà décidé où il s'en va pour l'éternité. Dans les temps de feu et de soufre, avec lui et ses anges démoniaques et tous ceux sur lesquels il aura régné sur cette terre. Quand j'ai régné ici, sur lequel il a été le propriétaire des âmes. Hein, Jésus va dire aux Juifs qui ne voulaient pas croire en lui, « Vous avez pour père le diable, il voulait faire les désirs de votre père. » Pour sortir des griffes du père, il faut prendre, accepter la propriété, d'être la propriété de Dieu. Et si je suis la propriété de Dieu, ça implique quoi, Gilles? Ça implique que je lui donne ma volonté totale. Je fais sa volonté. T'es d'accord? Donc, c'est important de se poser la question. Si Dieu est mon propriétaire, je dois me soumettre à lui. On va lire Apocalypse 20, 10, 15, parce que je ne veux pas vous donner juste des affaires que je sors de ma tête. C'est la parole de Dieu qui vous, va vous, qui doit vous sécuriser là-dedans. Apocalypse 20, pas dur à trouver, hein? C'est le premier livre de la Bible. Mais quand vous prenez le couvert à l'envers. Hein? Il y en a qui suivent. Hein? Et au verset 10, « Et le diable qui les séduisait, les nations, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés. » Faites attention au mot, le mot est léger. Tourmenté jour et nuit, il n'y aura plus aucun temps d'arrêt. Au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc, la création actuelle, votre maison, tout ce que vous avez investi dans votre cuisine, ou dans votre... Tu souffres taquiner ma femme. Va être zappé. Zappé. M'excuse, Mélanie, mais tout ce que tu auras fait, va. C'est pour un temps. S'enfuir devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en eux, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. On sait qu'être jugé selon ses œuvres, ça conduit à aller habiter l'éternité avec le diable. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La propriété de Dieu, le fait que je suis la propriété de Dieu, que mon âme lui appartient, mon âme est écrite dans le livre de vie. Et où ton âme? Es-tu écrite dans ce livre-là? Dieu ne badine pas avec ça. Là. Puis Jésus lui-même a averti les hommes de son temps avec encore plus de force. Donc, si tu as été racheté par Dieu au moyen du sang de Jésus-Christ, ta destinée sera une vie éternelle. Je n'aime pas ça dire de bonheur, mais de félicité. Le bonheur avec Dieu, c'est sûr qu'on va partager l'éternité avec lui, on va le voir face à face, c'est Jésus-Christ. Et tous les rachetés, où la mort et toutes les douleurs de la vie présente auront disparu. Ça, c'est une image du ciel. On a discuté à réaliser à quel point c'est un privilège. Ça nous dépasse, parce qu'on n'a pas ça sur la terre. Sur la terre, c'est une vie de misère. On vieillit, on a des bobos partout, on a des tamalous. Mince, tu en as perdu depuis ta jeunesse. C'est encore pas pire que tu puisses te rendre jusqu'à cet âge-là. Là. 21, 1 à 5, ça nous donne une image du ciel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple. » Regardez le mot « peuple ». Rachat, peuple. Je l'ai payé par Jésus-Christ, ça a été payé. On ne peut pas lui reprocher. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Hey, la mort. On vient de perdre un ami. Là. C'est triste à chaque fois, on ne s'habitue pas. On est en train de perdre tous ceux qu'on a connus. Plus vous vieillissez, plus vous enterrez ceux que vous avez connus, jusqu'à ce que vous disparaissiez vous-même. Et ça ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et Dieu donne la possibilité à Jean de voir ça dans sa vision. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris cela. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ça, c'est un saut sur ces paroles-là. Ce matin, tu pourrais changer définitivement de propriétaire et de destinée éternelle. Il n'en dépend qu'à toi. Et le prix est déjà payé. Et Dieu n'attend que tu te confies dans le sang de Christ. Gilles?